cassette traque du bon mal. On revient avec du beau monde. Laisse tes sous dans ta poche, ces tis graphes a besoin de bon de commande. On te montre comment ça se poursuit, ceci est l'accouchement. Attouchement cérébral, on met dans le noir la touche de blanc. L'accoutrement ne fait pas le prêtre. La coupe de sang neuf les maltraite doucement. La route te prend, t'arrêtes là où le doute te pend. Tout dépend de rien, on le sait bien, rien fait tout. On met tout ce qu'on a dans ce qu'on fait, on fait que ce qu'il y a à fêter. Après tes jours, pas de péridural, vos yeux ont déjà péridural. Après avoir donné la vie, la confrérie tuera. Dura, encaissé pour un si petit esprit. L'écriture a progressé, personne peut s'attitrer esprit. Les gosses dans le sou, pensent en souffle depuis 3 ans déjà. Microclimat, ou comment réussir sans vendre ses charmes. En complément, on continue pour faire vibrer le continent. T'as compris, non, le contenu, n'attends pas de compliments. Le contenu, compliment.